Le rassemblement consacré au 70e anniversaire de la chorale d'État émérite a eu lieu le 22 février en présence du sous-maréchal Fang Byung-sun, membre de la commission permanente du bureau politique du comité central du Parti du Travail de Corée, vice-président du comité des affaires d'État de la République populaire démocratique de Corée et chef de la direction politique générale de l'armée populaire de Corée, des commandants, des créateurs et des artistes de la chorale. Fang Byung-sun a transmis la lettre de félicitations adressée à la chorale par le comité central du parti. La lettre indique « Le 22 février de l'an 36 du Tutsé 1947, dans le cadre de l'édification des forces armées révolutionnaires régulières, le président Kim Il-sung a organisé la formation artistique spécialisée de l'armée, troupe d'origine de la chorale, et conduit lucidement à contribuer activement à la grande victoire dans la guerre de libération de la patrie et à l'édification d'une patrie riche et puissante à travers les activités artistiques révolutionnaires inspirées de l'esprit héroïque et du romantisme militant de notre armée et de notre peuple. » Le général Kim Jong-il a développé la chorale en formation artistique d'élite indépendante, en chorale d'ordre mondial par sa direction dynamique pendant sa direction de la révolution de Sun Gun. Pendant 70 ans, les créateurs, les artistes et les commandants de la chorale ont défendu au risque de la vie le parti et le leader et marqué de ses traces l'histoire de la politique de notre parti basée sur la musique avec les succès admirables en tant que premier clairon de la révolution de Sun Gun. Ensuite, on a écouté le rapport, les interventions et adopté la lettre de résolution à l'adresse du dirigeant suprême Kim Jong-un.